Jean Bosco, Douiman. Bonsoir et bienvenue à ce journal, la dernière édition de cette soirée du 9 août 2016. Et en voici tout de suite les grandes articulations. De nouvelles formes de criminalité sont rapportées dans les quartiers Kinindo et Kibinga de la commune Mouha en mairie de Bujumbura. Et le personnel du port de Bujumbura demande au ministre des Transports d'intervenir pour que les salaires impayés de 2 mois lui soient versés. Son personnel affirme aussi qu'il y a des pillages dans ce port, vous l'entendrez. Et le reportage du jour nous conduit en Provence-Bouvanza où les travaux de construction du barrage de Manda continuent. Mais le chef du projet s'inquiète de l'insuffisance de moyens financiers qui risque de retarder son achèvement. Mais le ministre des Finances se veut rassurant. Et dans la chronique santé, la série sur l'hypertension artérielle continue. Aujourd'hui, Dr Élisée Balansaka nous parle de ses complications. Rebonsoir, le nouveau secrétaire exécutif de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs indique que cette organisation soutient le processus de dialogue entre les protagonistes de la vie politique au Burundi. Dans une conférence de presse animée ce mardi, l'ambassadeur Zachary Muita Mubiri a dit qu'en ce qui concerne les problèmes du Burundi et les questions des relations avec le Rwanda, le sommet des chefs d'État de la région prévu les 17 et 18 août pourra donner des éclaircissements. Suivez-le, il est traduit par Didier Nyonzima. We've just been informed that around 17-18, it's going to be a summit, EAC summit in Dar es Salaam. Nous vous informons qu'aux dates du 17 et 18 août, il y aura un sommet des chefs d'État de la région de l'Afrique de l'Est à Dar es Salaam, en Tanzanie. Au cours de ce sommet, la question sur le processus du dialogue entre Burundais sera étudiée. Les chefs d'État de la région sont préoccupés par les problèmes auxquels fait face le Burundi actuellement, raison pour laquelle ils ont programmé cette rencontre pour voir le bilan de ce dialogue et indiquer ce qu'il faut faire. Vous le savez, les chefs d'État se rencontrent souvent. Ce qui est nécessaire ces jours-ci, c'est que les gens dialoguent. Quand il n'y a pas de dialogue, c'est là où le feu peut éclater. Mais quand les gens acceptent de dialoguer, les choses finissent par s'arranger. Nous espérons que quand les chefs d'État se rencontreront, il y aura une amélioration d'une manière ou d'une autre. En ce qui concerne les problèmes des relations entre le Burundi et le Rwanda, je n'ai pas beaucoup d'informations à ce sujet, mais je sais que c'est un problème qui est là. Et la communauté est-africaine est là pour gérer cette affaire, notamment ce qui concerne les échanges sur les frontières et permettre encore une fois aux gens de circuler comme avant. Cette question sera aussi étudiée à Dar es Salaam. I would imagine it must be a small hiccup that is going to be sorted out in Dar es Salaam when the heads of state meet. It should be on the agenda as well. C'était Zachary Muita Mubiri, le nouveau secrétaire exécutif de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Le personnel de l'autorité maritime, portuaire et ferroviaire se lamente qu'il vient de passer près de 2 mois sans être payé. Il affirme par ailleurs qu'il y a un certain pillage au port de Bujumbura depuis que les pouvoirs de contrôle de certaines activités exercées sur ce port lui ont été retirés début juin. Le personnel de cette autorité maritime, portuaire et ferroviaire demande l'intervention du ministère de tutelle, à savoir celui des transports, pour régler la question. Léonce Vitalio. Comme l'indiquent les travailleurs de l'autorité maritime, portuaire et ferroviaire, leurs salaires proviennent habituellement de 2 sources. Il s'agit des subsides prévus dans le budget annuel de l'État ainsi que des recettes internes. Or, depuis le mois de juin, ces recettes internes ne sont plus perçues. Ces recettes ne sont plus perçues à partir du 2 juin 2016, suite à l'annulation par le ministre des Transports de toutes les ordonnances ministérielles qui autorisaient à l'autorité maritime portuaire et ferroviaire de percevoir toutes les recettes au port de Bujumbura. La non-perception des salaires affecte les travailleurs de la MPF, non seulement dans la vie au quotidien, mais également, disent-ils, l'autorité ne paye plus leur cotisation et au niveau de la mutuelle de la fonction publique et à l'INSS. Les activités de l'autorité n'étant pas bien exercées risquent de plonger le port de Bujumbura dans le désordre. Si l'autorité maritime, portuaire et ferroviaire n'est pas en train d'exercer ses missions comme c'est prévu dans la loi, c'est-à-dire que toute personne peut travailler comme bon lui semble, c'est-à-dire et les commerçants et l'opérateur privé qui exploite le port de Bujumbura, il travaille comme il l'entend parce que cette autorité publique qui devrait contrôler et réguler toutes les activités au port de Bujumbura n'est pas en train d'exercer ses missions. Contacté au sujet du manque des salaires pour le personnel, le directeur général de l'autorité maritime, portuaire et ferroviaire fait savoir que la question est en train d'être traitée au niveau du ministère ayant les transports dans ses attributions. C'est aussi à ce même ministère que le personnel de l'autorité a adressé une correspondance en avril dernier, lui demandant son intervention pour éradiquer ce qu'il qualifie de pillage systématique et organisé du port de Bujumbura. Merci Léonce. Il est déplorable que le rapport officiel et les recommandations formulées lors des états généraux de la justice n'ont pas encore été mis au jour. C'est le regret exprimé par le président de PARSEM dans une conférence de presse tenue ce mardi. Il a indiqué qu'après 3 ans de la tenue de ces états généraux dans le secteur de la justice, ce rapport officiel en plan de leur mise en œuvre devrait être mis en place. Suivez Faustin Dikoman. 9 août 2013, 9 août 2016, 3 ans exactement après la tenue des états généraux de la justice, qu'en est-il du rapport et de la mise en application des recommandations? Normalement, nul n'ignore l'importance de la justice, l'importance du pouvoir judiciaire dans un pays. Mais c'est regrettable aujourd'hui que dans tous les forums, dans toutes les réunions organisées dans la gouvernance politique, la gouvernance économique, les demandes qui concernent le secteur judiciaire sont devenues monnaie courante. On parle toujours de l'impunité, de la corruption, l'impunité des crimes économiques, des crimes politiques. On parle d'une problématique de l'état de droit au Burundi. Mais le ministre de la Justice, quand il a décrété qu'il va combattre la corruption, tout le monde disait que le problème de la corruption au Burundi, c'est aussi le problème d'impunité des crimes de corruption. Ce qui est notable, c'est qu'au mois d'août 2013, on avait organisé les états généraux de la justice. C'était un grand événement. Tout le monde avait réclamé la tenue de ces états généraux. Ces assises ont été tenues à Gitega pendant toute une semaine, du lundi à vendredi. Il y avait des thèmes très importants comme l'indépendance de la magistrature et la responsabilité du juge, le fonctionnement du système judiciaire, la chaîne pénale, l'administration pénitentiaire, la justice sociale et commerciale et d'autres. Il y avait même des réformes très sensibles à montrer la place, par exemple, de la Cour suprême comme symbole de manifestation progressive de l'indépendance de la magistrature. Mais c'est regrettable que ces recommandations restent toujours lettres mortes. Ce n'est pas l'avis de la ministre Aimée Laurentine Kanyana qui affirme qu'une commission chargée de la mise en œuvre de ces recommandations a été mise en place. Suivez-la. Un rapport a été établi sur toutes les recommandations qui ont été formulées. Le ministère de la Justice est à l'œuvre dans la mise en application, dans la mise en œuvre de toutes ces recommandations. Je citerai notamment le recrutement sur concours des magistrats, la révision de certains textes de loi pour les mettre à jour, pour qu'ils puissent se conformer à la situation actuelle de notre pays, aux différents changements qui sont intervenus depuis que ces textes de loi ont été adoptés. Nous venons d'ailleurs de mettre sur pied une commission qui va s'occuper de la mise en œuvre de toutes les recommandations des états généraux de la justice. D'après la PARSEM, il s'observe au niveau de la justice un problème d'impunité et d'état de droit au Burundi. Est-ce que vraiment vous voyez que la justice est indépendante aujourd'hui? La justice est indépendante au Burundi parce que l'indépendance du magistrat commence par sa conscience. Chaque magistrat est conscient du serment qu'il a prêté et de la responsabilité qu'il a par rapport à la charge qui lui incombe. Celui qui dit qu'il n'est pas indépendant, c'est qu'il est inconscient, il ne sait pas ce à quoi il s'est engagé. La ministre de la Justice, Aimée Laurentine Kanyana, dont les propos ont été recueillis par Dorine Ndayirorere, stagiaire à notre station. On parle maintenant infrastructure. La route nationale numéro 15, reliant les provinces de Gitega et Ngozi, dont les travaux de bitumage ont été achevés la nuit dernière, a été inaugurée ce mardi par le président de la République. Il a fait savoir que les travaux ont coûté plus de 70 milliards de francs burundais et que le gouvernement a été appuyé par la Banque africaine de développement, la BAD. Le président a aussi inauguré un parking des poids lourds qui importent différentes sortes de marchandises à partir de l'étranger. Correspondance d'Arthur Kavarouchi. Cette route bitumée reliant les provinces de Gitega et Ngozi mesure 80 km et a été construite en 2 phases, c'est-à-dire Gitega-Nyangungu qui a coûté 36 millions de dollars américains et Nyangungu-Gitega qui a coûté 63 millions de dollars américains selon le représentant de la Banque africaine de développement. Il a en outre dit qu'il a été construit en parking pour poids lourds qui importe différentes sortes de marchandises à partir de l'étranger. Dans cet égard, il y a un bureau de l'OBR qui est équipé d'une balance et d'un ordinateur pour contrôler tout ce qui y entre et vérifier que les taxes sont payées. Cette gare routière peut abriter 80 camions. Le ministre des Travaux publics a fait savoir qu'avec l'appui de la Banque africaine de développement, ils ont déjà construit la route nationale numéro 15 qui vient d'être inaugurée ce mardi et la gare routière ainsi que les routes de la ville de Gitega. Il a indiqué que la route Kibumu-Gitega sera construite ainsi que Makebuko, Butaganzwa et Ruyigi. Le président de la République a demandé à la BAD de continuer à appuyer le Burundi dans les projets de développement, car si le Burundi se développe, c'est le monde entier qui se développe, étant donné qu'il y a des étrangers qui habitent au Burundi. Il a également demandé aux conducteurs de voitures de rouler prudemment afin d'éviter des accidents. Arthur Kavagushi Gitega, Radio Isanganiro. Merci Arthur. Par contre, les fonds nécessaires pour la construction d'une route multinationale reliant les pays de la communauté de l'Afrique de l'Est n'ont pas encore été réunis tous. Du côté du Burundi, cette route va passer par la frontière de Ruwa en province Cibitoke vers celle de Mugina en province Makamba. Toutefois, certains axes ont déjà été aménagés, comme l'a précisé le secrétaire permanent au sein du ministère chargé de l'intégration du Burundi au sein de l'EAC. Suivez Jean Rigui, c'était au cours de la présentation des réalisations de son ministère pour le premier semestre de cette année. La réalité, c'est que c'est une route de plusieurs kilomètres. On ne peut pas avoir le financement d'un seul coup. C'est une route donc qui se construit littéralement sur le plan modulaire. On commence par un tronçon de quelques kilomètres et puis on enchaîne avec un autre. Alors la situation, c'est que on avait commencé par la première tranche. Après Rugombo, il y avait la première tranche. Cette zone là-bas, nous n'avons pas pu avoir de tranche libérée. Nous avons eu par contre la première tranche du côté de la Tanzanie, Mugina en entrant vers la Tanzanie. Et les travaux ont avancé normalement. Maintenant, on est presque au niveau du finissage. Il y a aussi la tranche de Mugina en venant vers Nyanzalak, où on a déjà commencé les travaux vers Konwe. Ce sont des choses qui sont en cours. Vous savez qu'à un moment donné, on avait un financement japonais et ils avaient construit l'avenue du Large. D'autres programmes qui sont en cours, notamment la route Jenda-Gitega, qui est maintenant en construction. On a pu décrocher donc ce financement à travers cette coopération au niveau des infrastructures de la communauté est-africaine. Isanganiro, la radio de l'avenir. Dans la suite de ce journal, le ministre en charge de l'agriculture recommande aux cadres et agronomes d'avoir un champ modèle ou l'élevage moderne en ayant 3 mois pour changer l'image du pays dans ce secteur. Après une réunion avec le personnel de ce ministère tenu à Muyinga, Deogi Derurema a reconnu que parfois les rapports des agronomes ne reflètent pas toujours les réalités sur terrain. Dieudonné Nzeyimana. Les rapports des agronomes ne cadraient pas avec la réalité de l'agriculture sur terrain. C'est la déclaration d'Odeogi Delulema, ministre en charge de l'agriculture et l'élevage, après une réunion avec les cadres du ministère et tous les agronomes du pays à Muyinga lundi. L'encadrement des agriculteurs laisse à désirer, d'après son ministre, rappelant que c'est une préoccupation des autorités du pays, y compris les élus du peuple. Que ce soit au niveau du conseil des ministres, que ce soit au niveau du Parlement, j'ai toujours eu des questions relatives à l'encadrement de nos cadres à la population. Et nous savons que si cet encadrement n'est pas efficace, on ne pourra jamais changer l'image de notre pays en termes d'amélioration de l'agriculture. Désormais, tout personnel de ce ministère doit servir de modèle. On vient de prendre une décision à ce que depuis les cadres du ministère jusqu'au monétaire, chacun doit avoir d'ici 3 mois montré la bonne volonté d'avoir un champ modèle à défaut d'avoir un élevage moderne. Autre engagement sorti de la réunion, plus de réunions dans les salles. Les rencontres se dérouleront désormais sur les terrains d'application dans les champs. Dieudonné Nzeyimana, Muyinga, Radio Isanganiro. À la source, reportage. Les travaux de construction du barrage hydroélectrique de Manda en province de Bubanza sont à 45%, comme l'a indiqué ce lundi le chef du projet de construction de ce barrage. C'était lors de la visite conjointe de 3 ministres du gouvernement, celui de l'énergie et des mines y compris. Il s'était rendu sur terrain pour constater l'état d'avancement des travaux. Le chef du dit projet a également évoqué l'insuffisance de moyens financiers pour pouvoir achever les travaux. Mais le ministre des Finances tranquillise que son ministère va tout faire pour que les travaux de construction de ce barrage hydroélectrique de Manda puissent continuer et se terminer. Évariste Nzikobanyanga, reportage. Le barrage hydroélectrique en cours de construction sur la rivière Manda se trouve à la sortie de la réserve naturelle de la Kibira. Une fois achevée, cette centrale pourra donner 10,4 MW. Même si les travaux sont en cours, quelques difficultés sont évoquées par le chef du dit projet, Salomon Ndeyimana, même son de cloche avec le ministre de l'Énergie et des Mines comme Manila Kiza. C'est pourquoi il s'était fait accompagner de ses deux homologues pour constater, explique-t-il. Au niveau du ministère des Finances, on a suivez que l'exécution des travaux que par la remise des factures de paiement. Il y a l'OBR qui ne faisait que suivre l'exécution du chantier par les différentes fournitures importées avec le dédouanement. Vous comprenez très bien que tout cela fait que les différents intervenants puissent venir se rendre compte, chacun en ce qui le concerne, pour voir sa part, du moins dans l'exécution des travaux, et pouvoir peut-être améliorer pour que dans l'avenir, on puisse travailler en symbiose chaque fois de besoin, afin que nous puissions former un seul bloc pour que ce chantier puisse être clôturé dans de très bonnes conditions. Le ministre des Finances et de la Privatisation qui s'était rendu sur terrain salue ce projet très bénéfique en cours de réalisation sur la rivière Manda. Domitien Ndiokougayo promet que son ministère va tout faire pour que les travaux de construction de ce barrage puissent aller de l'avant et toucher à leur fin. C'est vrai, il a évoqué pas mal de problèmes qu'ils ont rencontrés en réalisant ce projet. Heureusement, nous avons constaté que pas mal de problèmes qu'ils ont rencontrés ont trouvé aussi des solutions. Le problème de manque de devises ou je dirais le problème de paiement, c'est un problème parmi tant d'autres. Et comme nous tenons ce projet à cœur, nous allons tout faire pour faire avancer la question qu'ils nous ont posée et certainement qu'ils auront aussi une réponse favorable pour pouvoir mener à bon port ce projet qui nous tient beaucoup à cœur. Ce barrage est en train d'être construit sur le financement du gouvernement du Burundi à 100%, soit plus de 12 milliards de francs burundais. Dans les prévisions, il devrait avoir déjà commencé à distribuer du courant électrique au cours de cette année. Mais le ministre de l'Énergie et des Mines se réserve aujourd'hui de dire quand la fin des travaux de construction de ce dernier. Le ministre, comme Manila Kiza, explique l'idéal est de régler d'abord les problèmes qui se posent aujourd'hui. Radio Isanganiro Chronique. Dans la suite des chroniques sur l'hypertension artérielle, Dr Élisée Valensaka nous parle aujourd'hui des complications de cette maladie. Si jamais elle n'est pas diagnostiquée à temps et traitée, il l'a dit à Clarine Moronzis. L'hypertension artérielle, quand elle dure depuis un moment, peut être responsable d'une souffrance aiguë des organes tels que le cerveau, comme l'explique Dr Waransaka. Celle-ci peut donc provoquer une paralysie ou une mort subite. Au niveau du cerveau, ça peut entraîner soit une hémorragie intracérébrale, soit des vaisseaux qui se bouchent au niveau du cerveau et ça donne un tableau de paralysie. Des malades qui peuvent même ne perdre la parole, des malades qui peuvent même décéder brutalement. Cette hypertension fait que des vaisseaux sanguins soient bouchés, d'après toujours Dr Waransaka. D'autres organes ne vont pas donc avoir du sang à suffisance, d'où des infarctus. Au niveau cardiaque, ça va donner une insuffisance cardiaque, un cœur qui ne va plus pomper correctement. Le malade est en insuffisance cardiaque, et il est tout le temps essoufflé, des pieds gonflés, etc. Mais aussi au niveau cardiaque, ça peut donner des vaisseaux, des artères coronaires qui peuvent être bouchés et donner ce qu'on appelle les attaques cardiaques. Et là, ce sont les vaisseaux qui sont bouchés et qui peuvent donner ce qu'on appelle une angine de poitrine ou pire, un infarctus du myocarde qui peut être mortel d'emblée. Et enfin, au niveau des yeux, ça va donner des troubles visuels pouvant aller jusqu'à la cécité. La maladie est curable si le traitement est bien suivi. Docteur Baransaka parle des mesures hygiéno-diététiques qui s'accompagnent des médicaments. Il faut perdre du poids. Deux, il faut une alimentation riche en potassium, en calcium, en magnésium. Bref, consommer des fruits et légumes, puisque ces fruits et légumes contiennent ces éléments que je viens de citer. Mais en plus, il faut manger moins gras pour ne pas endommager nos artères. Il faut un régime qu'on appelle hyposodé, c'est-à-dire consommer très peu de sel et éviter de ressaler les aliments à table. L'autre mesure, c'est la pratique de l'exercice physique, mais régulièrement. À titre d'exemple, je dirais au moins 3 fois par semaine, 40 minutes par séance. Il faut arrêter de fumer si on est fumeur et il faut une réduction de la consommation de l'alcool, c'est-à-dire une consommation très modérée. Cette hypertension artérielle n'est plus une maladie désévoluée comme certains l'imaginaient. D'après Dr Balansaka Élisée, cela est dû aujourd'hui à un changement de nos habitudes alimentaires et du non-fonctionnement musculaire. Merci Clarine, merci docteur pour ces éclairages. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à François Akimana pour la mise en onde au micro. Jean Bosco Nduimana, ne tournez pas le bouton, nos programmes continuent.